Le rassemblement au niveau central consacré au 90e anniversaire de la constitution de l'Union des enfants CNL par le président Kim Il-sung a eu lieu le 14 courant au palais central de la jeunesse. Y ont pris part Choi Ryong-hee et les cadres intéressés, les permanents de l'Union de la jeunesse, les enseignants et enfants de la ville de Pyongyang. Le premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, Chun Yong-nam, a prononcé le rapport qui dit notamment « L'Union des enfants CNL, organisation révolutionnaire de type nouveau, constituée le 15 décembre de l'an 15 du juillet 1926 par le président Kim Il-sung, est une formation d'avant-garde des enfants coréens en lutte pour abattre l'impérialisme japonais, réaliser la libération et l'indépendance de la patrie et édifier une société nouvelle où les masses populaires laborieuses vivent à l'aise. Le mouvement original des enfants entrepris et conduit à la victoire par le généralissime Kim Il-sung a été porté à un nouveau stade élevé grâce à la direction éminente du généralissime Kim Jong-il, doué de l'amour sublime pour l'avenir et la postérité. Grâce au généralissime qui bénisse l'avenir radieux des enfants et au maréchal Kim Jong-un qui conduit lustrement la révolution et le mouvement des enfants coréens, la victoire et la gloire nous sont toujours promises.